français. Les cadeaux magiques. Il était une fois un pauvre paysan du nom de Ron vivait dans un minuscule hameau avec sa mère. L'argent ne coulait pas à flot. Alors il décida d'aller chercher du travail dans un village plus grand. Sa mère lui donna 3 morceaux de pain pour déjeuner. Prends ça. Sois prudent et fais bien attention à toi, mon fils. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais bientôt trouver du travail et mettre fin à tous nos problèmes. Ron marcha pendant des heures dans la forêt. C'était la fin de journée. Il était fatigué, il avait faim. Alors, il décida de se reposer dans la forêt. Il trouva un arbre énorme et décida de se mettre sur une branche pour se protéger des animaux. Mais soudain, 3 cygnes du lac apparurent. Alors qu'ils venaient de toucher terre, ils se transformèrent en anges. Ron regarda ça comme hypnotisé. Un des anges le vit et le désigna de loin. Regardez, un humain. Un humain n'est pas censé nous voir. Mais ce doit être quelqu'un de vraiment très bien, car seulement ceux-là peuvent supporter notre lumière. Que fais-tu ici, dans la forêt, au milieu de la nuit, humain? J'ai quitté ma maison pour aller chercher du travail dans un village voisin. Si tu as dû quitter ta maison pour chercher du travail, tu dois vraiment être dans le besoin. Tiens, prends ceci. Où que tu poses cette branche, une maison poussera. Cette maison contiendra tout ce dont un homme peut avoir besoin. Un lit pour dormir, des vêtements dans le placard, à manger sur la table et de l'argent dans une bourse. Tout. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, tu dois partir d'ici, car nous, les anges, ne sommes pas autorisés à parler aux humains trop longtemps. Bien sûr. Avec votre cadeau, je pourrai m'installer confortablement n'importe où. Merci. Alors, Ron quitta l'endroit et marcha dans la forêt. Soudain, la nuit tombée, il y eut un énorme coup de tonnerre et un éclair, et il se mit à pleuvoir. Ron était sur le point de placer la branche au sol quand soudain, il entendit un bruit. Quelqu'un tremblait de froid. Ron alla dans sa direction et découvrit toute une famille tremblant sous la pluie. Que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous tous sous la pluie comme ça? Notre maison a été détruite par l'éclair hier soir. Et nous n'avons plus où habiter maintenant. Nous sommes pauvres et nous n'avons pas d'argent pour construire une nouvelle maison. Mes enfants vont aussi avoir faim. Ils en ont besoin plus que moi. Tenez, prenez ça. Ça résoudra tous vos problèmes. Oh, merci. Comment pourrions-nous vous rendre votre générosité? Laissez-moi simplement passer la nuit ici. Je serai parti au petit matin. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. Ron quitta la maison le matin et reprit son chemin pour trouver du travail. Il marcha toute la journée dans la forêt et le soir, il décida de se reposer. Cette fois, il trouva une petite grotte dans la montagne et décida d'y passer la nuit. Alors qu'il allait s'endormir, il vit la même lumière étrange dans le ciel. Les cygnes descendirent et se changèrent une nouvelle fois en anges. L'un des anges l'aperçut. Le même humain. Encore. Est-ce que tu nous suis? En fait, nous aimerions savoir ce que tu fais. On t'a bien donné une maison hier soir. Alors, pourquoi es-tu encore dans la forêt? Oh, je n'ai pas pu garder la maison magique avec moi. Et Ron raconta alors aux anges tout ce qu'il s'était passé la nuit d'avant. Alors, vous voyez, je reprends mon chemin pour aller trouver du travail dans un autre village. Eh bien, ce que tu as fait hier était vraiment gentil et généreux. Nous ne pouvons pas te donner à nouveau quelque chose d'aussi magnifique que la maison magique. Mais nous pouvons te donner ceci. Un plateau grâce auquel tu n'auras plus jamais faim. Il produira tous les aliments que tu souhaites pour le nombre de personnes que tu veux. Prends-le et cette fois, garde-le pour toi. Ne le donne pas. Et maintenant, s'il te plaît, quitte cet endroit. Merci beaucoup. Je m'en vais tout de suite. Ron marcha dans la forêt et arriva enfin dans un petit hameau perdu. Il aperçut soudain un vieil homme qui marchait avec un silo d'herbe sur la tête. L'homme était si vieux et faible qu'il tomba presque sous le poids de son paquet. Ron vint l'aider. Monsieur, vous ne devriez pas porter autant de poids à votre âge. Laissez-moi vous aider. L'homme amena Ron à son hameau et Ron ramena son fardeau. Merci beaucoup, jeune homme. Tu m'as été d'une très grande aide. Monsieur, pourquoi travaillez-vous si dur? Vous n'avez personne pour vous aider? Ma femme et moi vivons seuls. Si je ne travaille pas, où trouver l'argent pour acheter notre pain? Il est vieux et faible, et tout ce qu'il peut encore faire, c'est couper de l'herbe. Mais même cela devient difficile maintenant. On dirait que vous n'avez pas fait un bon repas depuis des jours. Normal que vous soyez si faible. Prenez ça, monsieur. Il produira autant de nourriture que vous voulez. Tous les plats que vous aimez. Vous pouvez manger autant que nécessaire et retrouver des forces. Mais ceci t'appartient. Tu devrais le garder. Vous en avez besoin plus que moi. Je suis encore jeune et fort. Je peux facilement trouver du travail. Gardez-le pour vous. Laissez-moi simplement rester ici cette nuit et partageons donc un repas ensemble. Alors, Ron demanda au plateau de leur donner de la soupe chaude, un ragoût de légumes et une tarte aux fruits. Et ils partagèrent ce repas tous les trois. Le lendemain matin, la vieille dame lui enveloppa de la nourriture pour la journée et Ron repartit dans la forêt une fois de plus. Il marcha toute la journée et arrivé la nuit, il trouva un petit creux dans un arbre assez grand pour pouvoir s'y allonger. Dès qu'il s'allongea, il vit la même lumière dans le ciel. Les cygnes descendirent et devinrent des anges. Toi ? Encore ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Ne t'a-t-on pas donné un plateau qui fabrique à manger hier soir ? S'il te plaît, ne nous dis pas que tu l'as aussi donné. En fait, si. Le vieux couple en avait besoin bien plus que moi. Et Ron leur raconta tout au sujet du vieux couple qu'il avait rencontré la veille. Ah ! Alors, que te donner maintenant ? Ne vous en faites pas. Vous n'avez pas à me donner quelque chose. On doit le faire à chaque fois qu'on croise un humain qui supporte notre lumière. Mais attention, ce sera notre dernier cadeau. Prends ces chaussures. Elles te mèneront où tu veux en un instant. Oh, ce me sera bien utile. Vas-y, prends-les et garde-les. Et maintenant, quitte cet endroit. Merci. Alors, Ron enfila les chaussures et souhaita se retrouver dans le prochain village. Instantanément, il s'évapora de la forêt et apparut dans un village près d'une auberge. Ron décida de passer la nuit là-bas. Tandis qu'il dînait à l'auberge, il fut rejoint par un autre voyageur. Puis-je me joindre à toi ? Avec plaisir. Viens. Je m'appelle John. Comment tu t'appelles et que fais-tu ici ? Je m'appelle Ron et je suis venu ici chercher du travail. Et toi ? Ah ! J'ai travaillé dur pendant les 5 dernières années, loin de chez moi, et j'ai trop hâte d'y retourner. En fait, je vais reprendre ma route juste après le dîner. Tu vas travailler de nuit? Tu ne sais pas ce que c'est lorsque ta maison te ment. Mon fils doit sûrement m'attendre. Je serais déjà arrivé il y a 2 jours s'il n'y avait eu ni pluie ni orage. A priori, il devrait pleuvoir ce soir. Je m'en fiche. Je rentre chez moi. viens avec moi. Porte ceci. Pourquoi? Ces chaussures te ramèneront chez toi en un instant. Je ne suis pressé d'aller nulle part. Tu en as besoin plus que moi. Ainsi, John porta les chaussures et se retrouva chez lui en un instant. Le lendemain matin, Ron fit le tour du village pour trouver du travail, mais n'en trouva pas. Le soir, il retourna à l'auberge. Il alla dans sa chambre et s'apprêta à se coucher quand il vit encore la lumière étrange, les cygnes puis les anges. Mais dis-moi, tu nous suis vraiment? Mais enfin, non, non! On dirait que les chaussures t'ont mené ici. Pourtant, pourquoi es-tu toujours là dans cette auberge? Tu pourrais rentrer chez ta mère et voyager ici chaque jour avec les chaussures pour venir travailler. Tu as toujours les chaussures, n'est-ce pas? Non. Ron leur raconta l'histoire du voyageur. Mais nous n'avons plus rien à te donner. Ce n'est pas grave. Nous pouvons te rendre tous les cadeaux si tu veux. On les reprend aux gens et on te les donne. Réfléchis. Si tu demandes la maison, tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Tu vivras heureux avec ta mère. Ou si tu prends le plateau, toi et ta mère mangerez toujours les meilleurs plats du monde et vous ne serez plus aussi stressés d'avoir à travailler dur. Et avec les chaussures, tu pourrais voyager entre la maison et le travail tous les jours. Dis-moi un peu, quel cadeau veux-tu? Aucun d'eux. Tous ces gens à qui j'ai offert ces cadeaux en avaient besoin plus que moi. Je suis très, très heureux comme je suis. Jeune, fort et capable de travailler. Ah, comme tu voudras. Les anges disparurent et Ron alla se coucher. Le lendemain, quand Ron se réveilla... Réveille-toi! Maman? Mais que fais-tu là? Qu'est-ce que... Regarde ce qui s'est passé ici! Qu'est-ce que c'est? Notre maison s'est soudain transformée en cette mansion! Comment? Tout à coup, un cygne vola par la fenêtre et lâcha un petit rouleau sur les genoux de Ron. Ron l'ouvrit et le lut. On voulait seulement te tester, Ron. Oui, les gens à qui tu as donné tous nos cadeaux en avaient bien plus besoin que toi. Ils en avaient besoin, eux. Mais toi, grâce à ta gentillesse et ta générosité, tu les as mérités. Signé, tes amis, les anges. Ainsi, Ron et sa mère vécurent heureux et dans le luxe pour le reste de leur vie. Mais ils n'oublièrent jamais d'être gentils et de partager leur chance avec tous les gens autour d'eux.